Du soleil et des amis. Cet été-là, en Virginie, le soleil est bien présent. Début juillet, Faustine, profitant de ses rayons, met son pain à lever sur la pelouse. Elle balade son gros ventre, vêtue d'un seul bas de bikini et d'un léger top en cotonnade. Daphné a écrit depuis Cannes. Elle regrette déjà les USA. Mais il faut laisser la place à sa sœur. Maxime, fort des progrès de son aîné, en a laissé tout le crédit à Faustine, pour preuve qu'elle deviendra une excellente maman. Ça ne rassure pas vraiment la future mère, restons lucides. Mais un compliment est toujours bon à prendre. Désormais, bébé bouge régulièrement. Si d'aventure Maxime appelle depuis l'étranger, Faustine lui décrit ses impressions avec enthousiasme. Elle le remercie encore et encore de lui avoir donné accès à la maternité. Pourquoi cette reconnaissance servile? N'importe quel père digne de ce nom devrait être heureux et fier, non? Peu importe, pour l'heure, la future maman prépare la chambre de leur amie Mireille, tout en prenant de l'avance en cuisine. En plus de leur invité, il va falloir nourrir leur authentique jazz band, 6 garçons et une fille, pendant 24 heures. Faustine met un point d'honneur à leur offrir le meilleur. Peu à peu, ses créations remplissent l'immense congélateur. Dans le même temps, elle s'organise avec Lynn, leur amie et propriétaire, pour répartir les invités dans les chambres disponibles de la maison. Quelques jours plus tard, Faustine accueille Mireille à Dulles Airport. Pas de bol, cette année, la réunion du G7 se déroule à Washington à la même période. La sécurité est renforcée ad nauseam. Tout ça parce que ces messieurs vont gloser sur le conflit Iran-Irak qu'ils ont à coup sûr instrumentalisé. Enfin, te voilà, hurle Faustine par-delà le portillon. Il était temps que je vienne mettre un peu d'ordre dans ce foutoir avant la naissance du marmot, rigole Mireille. Laisse-moi te regarder. Quelle montgolfière tu fais. 6 mois seulement, tu dis? C'est ça. Ça sera un bébé énorme. Je sais pas comment il va sortir de là. Ma mère m'a dit, mange si tu veux un garçon. Faudra un gros couteau. Et Maxime, comment le vit-il? Pas trop mal, compte tenu des circonstances. Comment ça? Tu sais bien qu'il n'en voulait pas. Ouais, mais si tu vas par là, même chanson pour tous. Faustine soupire. Et pourtant, comme ils sont fiers, une fois que c'est fait. Bref, pour l'instant, ça se passe très bien. Tant que son petit confort personnel n'est pas remis en cause, que je reste performante et disponible, l'homme est content. Il est toujours aussi fougueux? Oh que oui! Faustine éclate de rire, c'est formidable. Je ne me suis jamais sentie aussi sexy. Je pourrais faire l'amour 10 fois par jour. C'est lui qui demande grâce. Profite alors, ça ne peut pas nuire au bébé. Les deux femmes arrivent à la Mustang décapotée pour l'occasion. Le soleil tape fort en ce mois de juillet radieux. Mireille est ravie de pouvoir amorcer son bronzage. Bientôt, la conductrice s'engage dans l'allée de sapins qui mène à la maison. Voilà notre petit Sam suffit. Tu avais raison, un paradis. Et ces arbres, ce hamac. Pour après, viens boire un verre, tu dois avoir soif. Tu ne bois pas d'alcool tout de même. Non, bien sûr que non. J'ai acheté des gallons de soda. De toute manière, par ces chaleurs, on ne boit rien d'autre. Ça et des jus de fruits. J'ai arrêté l'alcool et je fume un minimum. Je n'ai plus de raison officielle d'être frustrée, mais parfois la sainteté me pèse. Je te comprends. Tu me montres ma chambre? Viens par ici. Qu'elle est jolie. Entièrement repeinte par Daphné et moi-même. Bravo! J'ai vidé la commode. Tu peux tout mettre dedans. Il y a des porte-manteaux dans l'armoire. Cette porte-là donne directement dans la salle de bain. Dis-moi quel est le programme. On a prévu de te faire visiter New York. On ne pourra pas rester longtemps parce que Maxime doit dépanner un client à Philadelphie après-demain. Mais si tu y tiens, on pourra y retourner. Ah, ça suffira. Qu'est-ce qu'on peut voir à Philadelphie? Le musée des Beaux-Arts est extraordinaire. On le visitera pendant que Maxime sera au boulot. On fera du shopping s'il nous reste du temps. Le soir, on dormira à l'hôtel. Le lendemain, on se baladera dans la région. La Pennsylvanie est un état magnifique. On a rendez-vous à York en début de soirée avec le Authentic Jazz Band. Ils ont un concert prévu au Country Club. Après quoi, on rentrera à Gainesville. Dans ta voiture? Non, bien sûr, ils sont 7. Ils ont loué un minibus. Joli programme. Ils viennent faire quoi à Gainesville, vos amis? Relâche. Ils ont 24 heures d'attente avant de rentrer en France. Et toi, pendant ce temps-là? Moi, je préparerai un souper et un petit déjeuner. C'est tout. C'est déjà pas mal. Je te donnerai un coup de main. Non, Mireille, ça ne sera pas nécessaire. Toi, tu profiteras de la musique partout où ils iront. Ils prévoient de jouer quelques morceaux pour l'apéro chez les White, tu sais, les patrons de Maxime. Ils habitent à deux pas. Et on dormira où quand ils seront là? Toi, Michel Bastide, Maxime et moi en haut chez Paul et Lynn. Les autres gars de l'orchestre en bas. Il y a 2 lits doubles et 3 matelas par terre, ça devrait aller. Et après? Quand ils seront partis, on t'a cocoté des petites vacances à la carte. Tu verras, ça sera sympa. L'arrivée de Maxime interrompt les filles. Salut, vous deux. Alors, Mimi, tu as fait bon voyage? Excellent. Faustine vient de me réciter le programme. Ça te convient? Oui, ça me donnera un bon aperçu de la côte Est. C'est chouette que tu acceptes de nous conduire malgré ton boulot. J'espère que ça ne sera pas trop fatigant pour Faustine et toi. Non, ça ne sera pas physique du tout. Je vais programmer une série d'interventions destinées à endiguer les dégâts liés à la pollution dans le comté de Pittsburgh. Je suis supposée déparasiter des installations électroniques de filtrage. Je te fais grâce du côté technique. Disons qu'il y a des interférences dans les commandes à distance. Waouh, c'est si pollué que ça par là-bas. Faut croire. Ils exploitent du gaz de schiste, d'eau, quantité d'eau usée rejetée dans une rivière. J'ai oublié le nom, mais on m'a dit qu'elle alimente plusieurs centaines de milliers de personnes, notamment à Pittsburgh. Ces eaux usées sont radioactives. C'est probablement dû aux produits utilisés pour extraire le gaz. Or, le taux équivaut à 1000 fois les limites autorisées pour l'eau de boisson. Le pire, c'est qu'on a observé des niveaux de radioactivité, heureusement moins élevés, dans le fleuve de la Wère, qui alimente 10 millions de personnes dans la région. Tu vois, Mireille, j'ai intérêt à trouver des solutions efficaces. Je vois surtout que je vais éviter de boire de l'eau. Ils ont du bon vin, au moins? Aucune idée. Ils ont des vaches et du lait, pour sûr. Ted du bureau m'a dit que leur cheese steak était fameux. Un genre de kebab agrémenté de sauce au fromage. Sinon, ils ont une spécialité de tarte à la mélasse. Ça porte un joli nom. Choufli pie. Alors allons goûter la choufli pie dans la ville de l'amitié fraternelle, puisque c'est la traduction du mot grec Philadelphia. Ainsi commencent les vacances de Mireille. La montée à New York est rapide, les autoroutes étant désertes en période de vacances, tout comme l'Empire State Building, au sommet duquel Mireille a tout de même voulu monter. La vue sur Manhattan, entourée des 2 bras de l'Hudson, est absolument superbe. Ensuite, les 3 voyageurs choisissent de descendre la 5e avenue jusqu'à Greenwich Village. Ça fait déjà une bonne trotte. En fin de journée, le trio reprend la route. À Philadelphie, il pleut. Ils passent la nuit dans un hôtel médiocre, mal insonorisé. À 6 heures du matin, on frappe à la porte. Faustine répond. Devant elle se trouve une jeune femme au bord de la panique. Cheveux mouillés, tête à l'envers, elle demande si on ne pourrait pas lui prêter un sèche-cheveux, le sien venant de rendre l'âme. « Je passe un entretien ce matin. C'est vital pour mon avenir. Je dois absolument être parfaite, vous comprenez ?»« Bien sûr que je comprends, soupire Faustine dans un demi-sommeil. Je suis passée par là aussi. Tenez, voilà l'engin. Mais n'oubliez pas de le rapporter. »« Comptez sur moi, promet la fille qui disparaît à jamais. » Après avoir petit déjeuné et attendu un délai raisonnable, les filles font une croix sur l'objet prêté et rendent les clés. Maxime a déjà chargé le reste des bagages dans la voiture afin qu'elle n'ait pas à transporter leur barda toute la journée. Philadelphie est presque aussi puritaine que Boston. Les avenues sont longues et ennuyeuses. Les deux femmes parcourent plusieurs kilomètres à la recherche du fameux musée pour découvrir finalement qu'il est fermé. Quelle poisse! Elles se contentent de magasiner dans la rue principale. Malgré le fait qu'elles n'ont pas trouvé de restaurant potable, sans doute parce qu'il n'y en a pas, Mireille est heureuse de sa balade. Ce n'est pas tous les jours qu'elle prend le temps de faire les boutiques. Plus tard, le trio emprunte la route d'York, rejoignant leur authentique jazz band à l'heure du souper, comme prévu. Au cours de leur tournée aux USA l'an dernier, Michel Bastide et son orchestre ont accepté un contrat dans la petite ville d'York qui se trouve être jumelée avec Arles en France. Hé, Maxime, salut, comment va, vieux frère? Bien, je vous présente ma femme, Faustine. Michel Bastide constate immédiatement l'état de la jeune femme. Dis donc, on dirait que t'as enfin appris comment faire. Continue, la mise en boîte, ça conserve. Bonsoir Faustine, ravie de faire votre connaissance. Félicitations, c'est formidable. À sa suite, tout le monde s'extasie. Maxime explose d'orgueil. Faustine joue les prémédones rougissant. On se retrouve à coups de grandes tapes dans le dos et d'embrassades. Accompagnant Michel, le chef, il y a Jean-François et Virginie, deux clarinettistes fraîchement émoulus du conservatoire de Nîmes, puis Christian, Jean-Pierre, Philippe et Stéphane, certains originaires d'Arles. Au repas, la joyeuse bande raconte comment ils ont réussi à discipliner Jabo Smith pour terminer le disque. Ce n'était pas du tout cuit, Jabo ayant une fâcheuse tendance à la procrastination. Avant de jouer, Michel explique à l'Assemblée comment son orchestre, créé à Nîmes en 1979, s'est vu offrir une tournée aux USA et en Europe avec Jabo Smith et la belle amitié qui s'est ensuivie. Faustine est immédiatement séduite par cet orchestre aux interprétations ludiques et à l'humour omniprésent qui a pour seule ambition de faire revivre la musique hot des petites formations noires de la fin des années 20 à Chicago. Elle passera néanmoins une partie de son temps sous la table à la recherche de ses lentilles de contact. Supportant mal ses crises de fou rire, elles ont une fâcheuse tendance à gicler de ses yeux. En cours de soirée, la future maman est invitée à danser par l'un des organisateurs. Dieu gentleman à l'air british. Craignant un enthousiasme par trop débordant qui pourrait gêner l'orchestre, cela s'est vu par le passé, Faustine a tout d'abord refusé, invoquant son gros ventre. Mais l'autre a promis de faire attention. Il a maugré, pince sans rire. « Allons, allons, la grossesse n'est pas une maladie, c'est une bénédiction. Elle n'a jamais empêché personne de danser. » Le concert terminé, tous prennent la route de Gainesville. À la maison, la joyeuse bande s'installe. Faustine s'amuse de voir les deux barbus virils de l'orchestre couchés côte à côte dans son lit conjugal, la tête posée sur des oreillers garnis de dentelles virginales. Quand elle rejoint enfin sa couche auprès de Maxime, elle se rend brutalement compte de son épuisement. Quelle incroyable journée !